ne pleure pas. Si la vie t'a choqué, t'es bloqué, ne sert pas. Même si tu vois que tes potes sont pleins de manies, qu'il y en a pour de l'argent qui arrache tes mamies. Vis ta vie, tu peux un jour vivre tes rêves. Tu peux tout perdre si trop vite tu dérapes. Garde la tête haute, même si c'est haute. Apprends tes fautes, ne pleure pas mon frérot. Fais pas confiance aux autres. Un sourire caché couteau dans l'eau. Ta peine est voyante, c'est comme une lumière dans l'eau. Lumière dans l'eau. Reste fidèle à toi-même. Qui t'aide quand c'est plus quoi te mettre. Non pas les gens du toi-même. Qui va pleurer sur ton sort et qui va t'aider. Tu fais des conneries qui rapportent pas un euro. Qui pour toi va plaider. De ta cellule, personne t'entend. C'est pas un film, c'est réel gros. Tu auras beau crier, mais des on ne pleure pas. Quand tu t'affaires, ça fait pas jouer la terre. Non, ne pleure pas, c'est tes larmes, tout va bien, ne pars pas. Non, ne pleure pas, on fait tous des erreurs. Quand tu t'affaires, ça fait pas jouer la terre. Non, ne pleure pas, c'est tes larmes, tout va bien, ne pars pas. Et vas-y doucement, lâche un sourire. Tant que tu peux voir combien t'as dû souffrir. Tu caches ta haine, je te vois, t'es mal à l'aise. Tu mélanges pas avec les gens, tu pourrais te prendre de balles à l'aide. Tu crois que t'es le prince de la ville, mon frère, tu es bien drôle. Comme ce mec qui veut faire un test avec une patte de baseball. Marseille, c'est chaud, prends la calache sans passer par le paintball. Je me rappelle qui, ça voulait monter un pendo vers le bol. Qui, j'avais des collègues, on restait ensemble au collège. C'est chaud qu'on est devenus dans le bloc à fumer le pollen. Tous différents, mais avec les mêmes problèmes. Un peu plus tard, c'est plus sur le même chemin qu'on se promène. Ça y en a grandi, y en a qui s'endorment sans sous. D'autres qui pour manger font les bonnes. Trop fier pour pleurer devant les autres. Dans mon cerveau c'est le désordre. Pour un rien larme ça on ne pleure pas. On fait tous des erreurs. Quand tu t'affaires, ça fait pas jouer la terreur. On ne pleure pas. C'est tes larmes, tout va bien, ne pars pas. On ne pleure pas. On fait tous des erreurs. Quand tu t'affaires, ça fait pas jouer la terreur. On ne pleure pas. C'est tes larmes, tout va bien, ne pars pas. On ne pleure pas. On fait tous des erreurs. Quand tu t'affaires, ça fait pas jouer la terreur. On ne pleure pas. On ne pleure pas, on ne pleure pas, on ne pleure pas, on ne pleure pas, on ne pleure pas.